Chapitre 5, on travaille aujourd'hui sur l'imparfait et le passé composé avec quelques questions orales. Écrivez les questions et inventez vos propres réponses. Numéro 1. Quand vous étiez petite, est-ce que vous vous couchiez tôt? Quand vous étiez petite, est-ce que vous vous couchiez tôt? À quelle heure? Question numéro 2. Comment étaient vos parents? Comment étaient vos parents? Question numéro 3. Aviez-vous un meilleur ou une meilleure amie? Aviez-vous un meilleur ou une meilleure amie? Comment était-il? Comment était-elle? 4. Que faisiez-vous ensemble? Que faisiez-vous ensemble? 5. Qu'est-ce que vous adoriez manger? Qu'est-ce que vous adoriez manger? Qu'est-ce que vous détestiez manger? Qu'est-ce que vous détestiez manger? Et voilà toutes les questions sur l'imparfait et le passé composé. Celle-là étant surtout à l'imparfait. Bon courage, étudiez bien et à demain.